Chapitre 38e. Demian faisait de la musique avec la princesse depuis 8 jours, et toutes les fois qu'il rentrait chez lui, c'était avec un découragement complet. Il ne vivait plus que de cette femme, de l'air qu'elle respirait, des fleurs qu'en passant elle frôlait de sa main, des plis de sa robe qui le touchaient parfois et qui le faisaient frissonner de la tête aux pieds. Le matin, dans l'atmosphère du salon de la princesse Redine, il aspirait une fièvre qui l'emportait chez lui pour tout le jour et qui lui tenait lieu de tout le reste. Il ne mangeait presque plus, prétextant avoir pris du thé là-bas. Là-bas, c'était à la villa qu'il ne désignait plus autrement. Il ne faisait plus d'exercice sur son violon, qu'il laissait sur le coin du grand piano à queue, et passait sa journée à fumer des cigarettes en compagnie de Madame Yanoff. Ces deux êtres ne se troublaient pas mutuellement. L'une dans sa somnolence, l'autre dans sa rêverie enfiévrée, il passait des heures sans s'adresser la parole et sans faire de mouvement. Après une semaine de cette existence, Hélène et Victor, très soucieux, avaient fini par ne plus se parler non plus. Ils ne se regardaient guère davantage, craignant de se comprendre trop bien. Ils avaient vu la princesse à la musique, au casino, et la même certitude avait déchiré le voile qui avait longtemps couvert leurs yeux prévenus. Victor s'était rappelé la scène singulière où Ladoff avait presque dû user d'autorité pour amener Demian à des sentiments raisonnables. Puis, les 1000 incidents de leur voyage s'étaient groupés dans son esprit et il avait compris que le Caucase avait toujours été le but de leur excursion musicale. Dès la première vue, la princesse lui avait inspiré une antipathie profonde et irréfléchie. La beauté de cette femme n'avait pas de prise sur son âme simple et il l'avait déclarée laide, mais Hélène seulement, en confidence. Cléopâtre lui faisait l'effet d'une sirène, d'un être fabuleux et malfaisant qui devait nécessairement engloutir Demian quelque jour, s'il se laissait séduire. Et comment l'empêcher de se jeter dans la gueule du loup? Et puis, il était blessé au cœur du silence qu'avait gardé son frère sur ce point délicat. Il se croyait des droits à sa confiance. Hélène ne s'en était pas dit si long. Elle ne savait pas pourquoi ils étaient venus à Piatigorsk. Et si elle l'avait su, cela n'eût pas changé grand-chose à ce qu'elle éprouvait. Demian aimait cette femme, n'était-ce pas assez? Elle ne partageait pas l'avis de Victor. Plus mondaine, plus au courant des mœurs modernes, elle reconnaissait l'incontestable supériorité de la princesse, sa beauté étrange, son charme provoquant, et l'abîme où tombait la pauvre petite, quand elle se comparait à cette brillante étoile, n'en était que plus profond. Hélène n'avait pas de grandes ressources au service de ses sentiments. Elle ne savait ni ne pouvait lutter avec une telle rivale. Elle se contenta de pleurer. Ses yeux se cernèrent un peu, son visage s'amincit légèrement. Elle devint 100 fois plus jolie, et c'est Victor seul qui s'en aperçut. Un jour, au lieu de rentrer vers midi, comme il le faisait d'ordinaire, Demian se fit attendre pour le déjeuner. Au bout d'une heure, nos amis se décidèrent à prendre le repas sans lui, et comme il finissait, le retardataire entra le front haut, l'œil triomphant. « Nous donnons un concert la semaine prochaine, » dit-il en déposant son chapeau avec une sorte de solennité sur une patère vacante. « Êtes-vous prête, Hélène ?» C'était la première fois qu'il omettait le mot « mademoiselle », et cette marque involontaire de familiarité fit grand bien au cœur endolori de la petite pianiste. « Je suis toujours prête, vous le savez bien, » dit-elle avec joie. « Je ne parle pas de votre piano, » reprit Demian, du même air prophétique. « C'est de votre toilette qu'il est question. Le concert sera très beau. Son Altesse impériale nous fera l'honneur d'y assister avec sa suite. »« Des Altesses ?» dit Victor avec un geste tragicomique. « Faudra-t-il retirer ma bosse ?»« Cette plaisanterie est de mauvais goût, » dit l'artiste avec un geste de dédain extrêmement comme il faut, appris depuis peu à la Villa Redine. Mais Hélène peut orner sa personne. Elle le doit pour faire honneur à l'auguste public. « Et à vous ?» dit la jeune fille en levant ses yeux ingénus vers son idole. Il daigna sourire avec bonté, et son regard s'abaissa sur la modeste accompagnatrice, afin de s'assurer que vraiment elle ne lui ferait pas honte dans la société de gens si bien élevés. Il avait sans doute appris à apprécier les lignes pures et les contours délicats, car il fit un geste de surprise. « Mais, » dit-il, « vous êtes prodigieusement embellie. Je ne vous reconnais plus. Votre teint clair, vos cheveux, votre sourire. Savez-vous que vous êtes très jolie ?» Hélène sourit, et releva la tête avec un peu d'orgueil bien naturel. « Je ne le savais pas, » dit-elle, « mais j'en suis contente, contente que ce soit vous qui me l'ayez dit. Voyez-vous la petite coquette, il vous faut des compliments. « Non, monsieur Demian, » reprit la jeune fille en baissant ses jolis yeux pleins de confusion. « Mais c'est que personne ne me l'avait encore dit. » « Ne gâtez pas les jeunes filles, » dit madame Mianoff, qui crut nécessaire de faire intervenir le sentiment du devoir hanté sur la prudence maternelle. « Les jeunes filles doivent ignorer les avantages naturels que la Providence leur a accordés, et surtout n'en pas tirer gloire. Quelle robe faut-il que ma fille mette pour ce concert ? Je vous demande avis, monsieur Demian, parce que vous allez dans le grand monde, vous savez mieux que nous. » « Je ne sais absolument rien, » déclara Demian en toute sincérité. « Mais vous voyez des dames chez la princesse. Ce sont de vieilles dames. Cela n'a pas le moindre rapport. La princesse elle-même ? Oh, la princesse, ce n'est pas la même chose. Elle s'habille comme personne. » Hélène étouffa un soupir, et Victor réprima un mouvement d'impatience. « Je ne crois cependant pas qu'elle mette ses chapeaux en guise de pantoufles, » fit-il d'un ton acerbe. « Non, elle ne va pas jusque-là, » répliqua Demian, trop heureux ce jour-là pour prendre en mauvaise part ce qu'il considérait comme une plaisanterie. « Vous avez bien quelques robes, Hélène, montrez-les-moi. »« Je n'ai pas une seule robe bonne à vous montrer, » répondit timidement la jeune fille. « Il faut m'en faire une. » « Une robe blanche ?» suggéra timidement madame Mianoff. « Non, non, » dit vivement Demian, « pas de blanc, c'est rebattu. » Hélène et sa mère se regardèrent d'un air perplexe. Elles ignoraient que le blanc étant la couleur favorite de la princesse, le jeune homme ne voulait pas le voir porté à d'autres. « N'avez-vous pas de pièces de soie de Nijni ? » suggéra-t-il. « Ah, c'est vrai, je n'y pensais plus, » s'écria Hélène en courant sa malle. Elle plongea sa tête mignonne jusqu'au fond de l'abîme et revint triomphante, les bras chargés d'étoffes extraordinaires, des couleurs les plus brillantes, très propres à faire des meubles magnifiques. Nos amis éclatèrent de rire à la vue de cet arc-en-ciel et prirent un véritable plaisir à remuer ces lourds brocarts et à les faire chatoyer. C'était inadmissible comme toilette. Cependant, tout à fait en dessous, Hélène trouva une étoffe d'un gris clair parsemée de petites étoiles brochées en soie jaune d'or. C'était singulier, mais très joli, et la jeune fille l'indiqua du doigt à son juge avec quelque timidité. « C'est très gentil, » dit celui-ci. « Il faut voir ce que dira madame Moutine. » Madame Moutine avait pris Hélène en amitié, d'abord un peu inquiète au sujet de ces deux femmes dont ses amis s'étaient embarrassés, inquiète de leur moralité et des projets qu'elles pouvaient avoir conçus. Elle s'était promptement rassurée. Certainement, elle ne rendait pas tout à fait justice à madame Mianoff, qu'elle croyait moins digne d'estime qu'elle ne l'était en réalité. Mais la petite Hélène lui inspirait une douce sympathie mêlée d'une compassion sans bornes pour la pauvre créature jetée si tôt et si seule dans toutes les difficultés de la vie. Elle trouva l'étoffe jolie et voulut procurer une couturière. « Non, » dit Demian avec quelque embarras. « La princesse désire que ce soit sa femme de chambre qui fasse la robe. » Hélène, humiliée, baissa la tête. Elle ne voulait rien devoir à cette arrogante princesse, même la façon d'une robe. Mais Demian insista, et il fallut céder. La femme de chambre vint, emporta l'étoffe, et rapporta à sa maîtresse tout ce que celle-ci voulait savoir. Après quoi, la grande dame ne songea plus à la petite pianiste qu'avec l'intérêt qu'elle portait aux banquettes du concert. Sa femme de chambre lui avait dit qu'elle était laide.